Ça sature à fond sur la console, mais ça se trouve c'est le câble. Là vraiment, enfin, ouais, tu vois pas, mais c'est rien. Ouais, bah c'est le câble alors. Thank you. Bah c'est pas à moi en fait, mais bah laisse-moi peut-être faire, enfin ouais, l'enclos peut-être un peu dans la, je sais pas. Non, l'état. Je sais pas qui c'est.